Alors que l'on s'apprête à commémorer les 3 ans des attentats du 13 novembre, la science s'est penchée sur les survivants et leurs difficultés à vivre avec ce traumatisme. Une molécule aiderait notamment à réduire le syndrome de stress post-traumatique. Une nouvelle greffe du visage au Canada met la recherche sur la voie de la bio-impression pour en finir avec les complications liées au rejet des greffons. Et enfin, tempus fugit, nous n'avons jamais eu autant de temps pour nous et pourtant, nous passons notre temps à pester de ne pas en avoir assez de temps. Mais comment se fait-ce ? Stress post-traumatique, bio-impression et rapport au temps, c'est le riche et beau programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme, celles et ceux qui captivent tant votre attention que le temps s'envole sans que vous n'ayez le temps de le réaliser. Bonjour Carole Châtelain. Bonjour. Rédactrice en chef de notre partenaire Chéri, le magazine Science et Avenir. Bonjour Loïc Mangin. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint et responsable des hors-séries du magazine Pour la Science et une nouvelle venue que nous sommes ravis d'accueillir. Bonjour Viviane Lalande. Bonjour. Vous êtes responsable de la chaîne YouTube Syllabus, de passage à Paris pour faire la promotion de votre livre Le Monde a des racines carrées, c'est aux éditions de l'Homme. Et puisque vous vivez, il faut le préciser, vous êtes parti vous installer au Québec, à Montréal. Un mot encore pour vous dire qu'il ne vous reste plus que quelques minutes maintenant pour contribuer à notre 500e émission que l'on va enregistrer la semaine prochaine avec tous vos vulgarisations et vos chroniqueurs et vos scientifiques préférés à qui nous vous proposons de poser les questions les plus insolubles, les plus réfractaires, les plus iconoclastes ou les plus insolites. Pour ça, vous nous les envoyez sur Twitter, hashtag LMS500 ou par mail au mail lamethode@radiofrance.com. Vous avez jusqu'à la fin de cette émission, nous en sélectionnerons 8 ce soir pour les poser donc la semaine prochaine. Insoluble, réfractaire, iconoclaste et insolite, c'est un très beau portrait de celle qui vous délivre la crème de la crème de l'information scientifique de la semaine. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et on commence ce journal des sciences par 2 études récentes des études américaines sur l'insertion d'un code tueur dans les cellules cancéreuses pour provoquer leur autodestruction. Oui, on connaît depuis longtemps l'existence des petits ARN interférents qui font du silence dans la cellule et qui bloquent l'activité d'un gène en agissant sur l'ARN messager. C'est très largement étudié depuis une vingtaine d'années et l'étude américaine montre que ces ARN possèdent dans leur code une signature que l'on appelle le code tueur, un mécanisme cellulaire d'autodestruction. La particularité de cette étude, c'est qu'ils ont prouvé que ces micro-ARN peuvent être injectés dans les cellules cancéreuses pour déclencher ce fameux kill switch, le code tueur. L'idée, ce n'était pas de proposer une nouvelle substance artificielle dans le traitement du cancer, mais bien d'utiliser ce qu'il y a dans la cellule cancéreuse, qui serait un verrou et que l'on pourrait activer. Marcus Peter a mené cette étude. Il nous explique quelle a été sa méthode pour découvrir ce code à 6 lettres. C'est assez simple car il n'y a que 4 bases, A, T, C et G, qui constituent l'intégralité du génome, et les petits ARN qu'on introduit à l'intérieur des cellules sont regroupés sur une 20aine de nucléotides, et 20 de ces lettres, et construites à partir de ces 4 lettres différentes. Et nous avons trouvé au sein de cette séquence de 20 nucléotides une plus petite séquence de 6 nucléotides située au début de la seconde base à la 7e. On appelle cette petite séquence la 6e en lien avec les 6 types de nucléotides et elle est responsable de l'activation du code tueur. Une fois qu'on réalise cela, si on ne dispose que de 4 lettres et de 6 positions sur la séquence, cela correspond exactement à 4096 combinaisons possibles de séquences différentes. Et donc, la manière dont on a trouvé ça, c'est une fois qu'on a réalisé qu'il s'agissait d'une position critique dans la molécule, à l'intérieur, on a testé 4096 versions différentes de la molécule possédant ces 6 nucléotides intégrés. Il faut quand même mettre en perspective qu'il s'agit là d'une étude expérimentale qui reste préliminaire. L'équipe américaine a utilisé les lignées cellulaires complètement artificielles en boîte de pétri. Donc pour un développement jusqu'à un médicament fiable, cela peut prendre une 15aine d'années. Néanmoins, cette étude est une preuve de concept et peut inspirer de nouveaux traitements contre le cancer. Antonin Morillon est directeur de recherche au CNRS. Il travaille sur les ARN non codants et la fluidité des génomes à l'Institut Curie à Paris. Il a trouvé cette étude passionnante. Moi, j'ai été, par exemple, extrêmement intéressé par un des chapitres qu'ils développent, c'est qu'ils utilisent trois drogues anticancéreuses qu'ils mettent dans leur lignée, dans leur boîte de pétri. C'est des drogues qu'on utilise, hein, qui sont utilisées en tant que médicaments en chimiothérapie. Et ils se sont aperçus que ces drogues-là, en fait, un des effets, c'était justement d'activer ces molécules tueuses dans la cellule. Et donc, en fait, on est en train de se rendre compte que les chimios, éventuellement dans ces lignées cellulaires, c'était pas la drogue en tant que telle qui tuait la cellule cancéreuse, mais c'est la drogue qui active un mécanisme de défense ancestral de la cellule. Et ça, si c'est confirmé dans d'autres études et plus approfondi, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a peut-être d'autres façons encore de surproduire dans nos cellules cancéreuses ces fameuses molécules tueuses et pas simplement en les rajoutant via un médicament ou quelque chose pour le faire rentrer dans la cellule puisqu'il est déjà là. Donc l'idée, ça serait d'activer la cellule d'une manière qui soit peut-être un peu moins dangereuse qu'en utilisant des chimios que l'on connaît aujourd'hui, qu'on sait être dangereuses pour l'organisme en général. En bref, cette semaine, l'OMS a annoncé que l'Australie a réussi à éliminer officiellement la rubéole grâce à un grand programme de vaccination. Pour rappel, la rubéole, c'est cette maladie virale très contagieuse. Pendant la grossesse, elle peut provoquer fausse couche, mort-née ou malformation irréversible. Et depuis 1998, l'Australie a mené un solide programme de vaccination au milieu scolaire, à tel point que le taux de vaccination des enfants de 5 ans a atteint les 94%. Mais petite précision, éliminer, ça ne veut pas dire éradiquer. Il reste des cas sporadiques. Entre 2012 et 2017, il n'y a eu que 40 cas de rubéole dans le pays. C'est loin du millier de cas avant le programme de vaccination. La rubéole et la rougeole restent néanmoins endémiques dans de nombreux pays. On ne peut pas encore parler de l'éradication mondiale de cette maladie. Et puis une autre bonne nouvelle, elles sont rares donc autant en profiter. Un rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale qui dépend de l'ONU et qui constate que la couche d'ozone se reforme peu à peu. On est sur la bonne voie. Oui, dans certaines parties de la stratosphère, depuis 2000, le trou se rebouche de 1 à 3% par décennie. C'est lentement mais sûrement et les scientifiques sont très optimistes. Et à ce rythme, d'ici 2060, la couche d'ozone devrait revenir dans l'état dans lequel elle était dans les années 80. Selon le rapport, ce sont les effets directs du protocole de Montréal de 1987 qui a fait interdire certains gaz réfrigérants. En 2019, il devrait être renforcé avec l'entrée en vigueur de l'accord de Kigali pour mettre fin à l'usage des hydrofluorocarbures. Deuxième sujet de ce journal des sciences, on s'intéresse à une étude publiée dans Medical News Today. Une équipe japonaise vient d'identifier trois nouveaux sous-types de dépression qui ne sont pas dus aux mêmes causes et qui ne se traitent donc évidemment pas de la même manière, Natacha. Oui, la dépression, c'est une maladie qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde, selon le dernier rapport de l'OMS. Et cette étude japonaise s'inscrit dans le cadre très général de la médecine de précision, qui correspond à l'idée que les maladies telles qu'on les a définies jusqu'à présent ne constituent pas d'entités homogènes, mais sont composés de différents facteurs. Alors là, les chercheurs ont examiné les données cliniques de 134 patients, participants. Ils ont combiné plusieurs méthodes, des données IRM, de l'inventaire de dépression de Beck, de l'échelle de traumatologie chez l'enfant et l'adolescent, et des biomarqueurs sanguins. Ils ont cartographié 78 régions cérébrales, ils ont examiné les connexions entre ces régions, et des types de dépression pharmacorésistantes ont été trouvés, ce qui expliquerait pourquoi les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont inefficaces chez certains patients. Catherine Belzin est professeure de neurosciences à l'université de Tours, elle nous explique l'une des particularités de cette étude. Alors la méthode qui a été appliquée, c'est une méthode donc d'imagerie. Donc là en fait, ils se sont intéressés à essayer de connaître l'activité cérébrale, et notamment, c'est une étude dite de connectomique, c'est-à-dire ils ont essayé de s'intéresser aux connexions entre les régions cérébrales, et ils ont vu que là, on pouvait avoir différents signaux, notamment de connexion avec une partie du cerveau qui s'appelle le gyrus angulaire. C'est une cible un petit peu nouvelle, en fait, parce que jusqu'à présent, c'était pas une région qui avait beaucoup attiré l'attention dans le domaine de la dépression, mais ça fait partie d'un réseau cérébral qu'on appelle le réseau cérébral par défaut. Et donc, ce gyrus angulaire pourrait être impliqué dans la dépression justement parce que certains ont cette altération cérébrale, d'autres ne l'ont pas. Et en fonction du fait qu'ils l'ont ou qu'ils ne l'ont pas, la prise en charge avec les antidépresseurs couramment utilisés comme le Prozac fonctionne ou ne fonctionne pas. En bref, le Japon a annoncé la réussite d'une transplantation de cellules souches iPS dans le cerveau d'un patient atteint de la maladie de Parkinson. Cet essai clinique, c'est une première mondiale. Les cellules iPS, ce sont des cellules spécialisées, comme celles de la peau, que l'on a fait régresser à l'état de cellules souches et qui peuvent ensuite se redévelopper, se respécialiser, en l'occurrence ici en neurones. En octobre, le patient avait reçu dans la partie gauche de son cerveau plus de 2 millions de cellules souches iPS. Si la greffe continue de bien se passer, il recevra ce mois-ci la même quantité de cellules mais dans la partie droite de son cerveau. Cette opération représente de grands espoirs pour le traitement de la maladie de Parkinson. Et on y reviendra certainement très bientôt. Deux chercheurs chinois ont analysé les génomes de 32 tigres. Leur étude confirme qu'il existe 6 sous-espèces de tigres survivants. Oui, ça faisait débat depuis des années. Hein. En 2015, ils avaient été classés en 2 sous-espèces. Donc il existe bien 6 sous-espèces de tigres en vie, auxquelles il faut ajouter 3 sous-espèces éteintes. L'analyse génomique a montré que chacune de ces sous-espèces a une histoire évolutive unique. Le tigre de Sumatra, par exemple, est plus petit en raison du gène ADH7. Et pour la préservation des tigres, comprendre les différentes sous-espèces est d'une importance capitale. Il n'existe plus que 4000 tigres à l'état sauvage et selon WWF, près de 97% d'entre eux ont disparu en un siècle. Et on termine comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables. Et cette semaine, eh bien, il y a une équation mathématique. Pourquoi ? Eh bien pour la pizza parfaite. Oui, c'est dans le journal IOP Science, on trouve cette étude qui est aussi très appétissante et qui s'intitule « La physique de la bonne cuisson de la pizza ». Alors selon les chercheurs, tout est dans le four. Le secret réside dans la physique du four à briques. Ils ont proposé une formule mathématique basée sur les principes thermodynamiques de base, tout en prenant compte de la teneur en eau de la garniture. Donc par exemple, dans des conditions idéales, écrivent-ils, une seule pizza margarita peut être cuite à la perfection en exactement 2 minutes dans un four à briques chauffé fait à 330 degrés, pas plus. Et pour les fours électriques, pas de problème, ils ont aussi écrit une longue et très longue équation thermodynamique pour réussir une pizza. On savait que la pizza était un art, c'est aussi une science. Ben voilà, je sais ce que je mange ce soir. Merci beaucoup, Natacha. Peut-être un petit tour de table, un mot, et c'est intéressant, oui, Carole ? Oui, à propos de la rubéole, de son éradication, enfin du moins de son élimination, en Australie. Il faut rappeler que la rubéole a été elle éradiquée en Amérique du Nord. Hein, c'est le premier continent où elle n'existe plus, du moins officiellement. Mais il faut aussi surtout dire que ce n'est pas un miracle, c'est-à-dire que c'est dû à la vaccination. Et on connaît en France les méfiances de plus en plus importantes autour de ce sujet. Donc je crois qu'il est important de rappeler que la vaccination, c'est un geste très utile qui protège les autres. Et en France, on a des cas, une résurgence notamment de rougeole. La population n'est protégée qu'à 83%, ce qui n'est pas assez suffisant. Il y a eu des morts en France de la rougeole. Donc je crois que c'est l'occasion de rappeler, et c'est très important de dire, que la vaccination est un geste absolument nécessaire et qu'il y a des recherches faites, notamment sur les adjuvants qui sont en cours. Mais ça ne doit pas empêcher les gens de se vacciner, et qu'on a besoin d'un taux de couverture supérieur, je crois, à 92% pour pouvoir être sûr qu'effectivement une maladie est éliminée. Il faut mettre ça aussi en regard avec l'épidémie de rougeole qui est en ce moment en Europe, hein, je crois, de mémoire, je cite ça de mémoire, 41 000 cas, et c'est la plus grosse épidémie de rougeole que l'Europe ait connue depuis, il me semble, plus d'un siècle. Peut-être un mot sur Loïc, sur ses recherches sur les systèmes kill switch, c'est-à-dire en fait sur aujourd'hui cette approche de l'oncologie, de la cancérothérapie en dehors de la chimiothérapie, c'est de se dire que finalement la solution contre le cancer est en nous. Elle est en nous. Est en nous. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'immunothérapie qui a été nobelisée cette année. On lève les freins que le cancer active pour se défendre et se protéger. Du coup, on rend notre propre système immunitaire actif, efficace et performant. Et du coup, ça a des succès très impressionnants, même si on est encore loin de tout guérir, évidemment. Et donc là, on est un peu sur le même ordre d'idée, quoi. Le salut est en nous, de façon un peu caricaturale. Évidemment, tous les bémols s'imposent concernant le stade préliminaire de ces études. De ces études, bien sûr, mais on est très loin du stade. Ça ne m'étonnerait pas que ça fonctionne bien à terme, quoi, puisque voilà, on a tout en nous et ça permettrait du coup de passer un petit peu ce palier qu'on avait atteint avec tout ce qui était chimiothérapie, radiothérapie, etc. Viviane ? Ce que je trouve particulièrement intéressant dans la recherche contre le cancer, justement, c'est parce qu'il y a une multiplicité finalement d'avenues qui sont approchées. Donc la réponse est en nous parfois. Il y avait un groupe à Montréal aussi qui utilise des bactéries magnétotactiques. Donc ils leur mettent des sacs à dos. Donc c'est des bactéries qu'on retrouve dans la nature et qui sont capables de se déplacer toutes seules et qui ont une sorte de boussole magnétique en tête. Donc on leur donne la direction du champ magnétique, on leur met des petits sacs à dos de chimiothérapie et puis elles peuvent aller au centre de la tumeur. Donc moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette recherche sur le cancer, c'est qu'elle est très florissante et qu'on a vraiment beaucoup d'avenues pour venir tenter de le soigner, parce que de toute façon, le cancer, c'est pas une maladie, c'est plein de maladies. Ce qui me permet de rebondir sur cette étude sur la dépression, et c'est vrai qu'on va de plus en plus, ça aussi, c'est assez passionnant, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que la phylogénie, entre guillemets, de la médecine, la classification des maladies est de plus en plus obsolète, et on se rend compte de plus en plus, effectivement, que tout ce qu'on définit comme étant une maladie, le cancer, ça correspond en fait à des pathologies extrêmement diverses, et c'est intéressant, y compris en psychiatrie, Carole. Oui, oui, même pour revenir sur la dépression, il y a même des recherches qui vont dans le sens de la fabrication d'un vaccin, puisqu'on sait que dans certaines formes de dépression, parce que là aussi il y a des dépressions, il ne faut pas toutes les confondre, c'est un mécanisme inflammatoire qui est en cause. Donc il y a actuellement des recherches pour essayer de mettre en place un vaccin qui atténuerait ces mécanismes et qui, du coup, permettrait aux personnes qui en sont victimes de sortir de leur état. Et à 16h15 sur France Culture, notre premier dossier de ce vendredi consacré à l'actualité scientifique et de la recherche, est consacré au 13 novembre, puisque cela fait déjà 3 ans que Paris a été touché par cette série d'attentats meurtriers, fusillades dans les bars et dans les cafés, prise d'otages au Bataclan, des attentats qui ont fait 130 morts et 413 blessés. Et 3 ans après, il reste encore, comme le veut aujourd'hui l'expression consacrée par Maïlys de Kerangal, à réparer les vivants, ces personnes qui ont été prises dans le feu des terroristes, qui souffrent de troubles dits de stress post-traumatique, on va en reparler dans un instant. On peut rappeler que dès le lendemain des attentats, le directeur du CNRS de l'époque, Alain Fuchs, a lancé un appel à projets sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats, dans un grand programme transdisciplinaire. Et donc 3 ans après, Carole Châtelain, certains de ces projets ont abouti à des pistes qui sont des pistes prometteuses, intéressantes, novatrices. Oui, donc vous l'avez rappelé, Alain Fuchs, qui était à l'époque, qui dirigeait le CNRS, avait lancé cet appel. Il y avait eu 66 propositions et 2 portaient sur comment atténuer ce syndrome post-traumatique. Je crois qu'il faut rappeler ce qu'est le syndrome post-traumatique. C'est un événement qui est vécu par une personne, un événement traumatisant majeur, c'est-à-dire une explosion, une scène de guerre. Ça a été beaucoup relevé et diagnostiqué au moment des guerres d'Irak. C'est ça. Voilà. Et qui s'imprime très durablement dans la mémoire de la personne qui en est victime, c'est-à-dire que ce souvenir reste extrêmement vivace. Alors, c'est par un mécanisme qu'on peut expliquer, on l'expliquera tout à l'heure. Mmh. Mais il y a donc 2 projets qui ont retenu l'attention du CNRS et qui commencent à donner leurs premiers résultats. L'un qui est mené par l'université de Caen-Normandie et qui porte sur la neuro-imagerie pour essayer de voir comment ces souvenirs s'engramment, comme on le dit. Et puis, il y a un essai clinique aussi qui est mené à la Pitié-Salpêtrière à Paris et qui... Cet essai porte sur la molécule qui a un nom difficilement prononçable, le propanolol, et qui, accompagné d'une psychothérapie, on va y revenir, aiderait à atténuer ces souvenirs traumatiques. Peut-être qu'on peut rappeler que, effectivement, pour tout un chacun, quand on parle de souvenirs, de mémoire, ces souvenirs, ce sont des choses un peu lointaines, un peu brouillées, en fonction de la distance et de la mémoire de chacun. Quand on parle de syndrome de stress post-traumatique, ce ne sont pas des souvenirs à proprement parler, on parle de reviviscence. Ça. En fait, il faut expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on entend un son ou lorsque l'on voit quelque chose, immédiatement, il y a la production dans une partie du cerveau, dans le système qu'on dit limbique, qui est le système le plus ancien de notre cerveau, il y a une petite glande qui s'appelle l'amygdale. Elle est immédiatement activée et c'est notre mémoire émotionnelle. Il y a une production de noradrénaline. Tout ça, c'est de la chimie. Donc, une hormone qui s'appelle la noradrénaline qui active l'amygdale. Et l'amygdale elle-même active une autre partie de notre cerveau qui s'appelle l'hippocampe et qui, elle, est le siège du contexte, c'est-à-dire c'est notre GPS. Donc, on a à la fois l'émotion et le contexte. Ça, c'est pour tout un chacun quand quelque chose se produit. Et normalement, immédiatement, il y a le cortex, c'est-à-dire la partie supérieure de notre cerveau, qui prend, si on peut dire, les commandes et qui régule tout ça et qui dit, voyons, est-ce que cet événement, je l'ai déjà vu? Est-ce que je dois en avoir peur ou pas? Et suivant l'analyse, il calme l'amygdale. Il envoie tout un tas d'hormones, dont le cortisol, qui est une hormone du stress. Il régule ce système. Ça, c'est ce qui se produit normalement. Et puis, donc, le souvenir, peu à peu, va passer dans ce qu'on appelle la mémoire longue. Donc, tout ça va prendre sa place. En cas d'événement traumatisant, ça ne se produit pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que le cortex est court-circuité. C'est-à-dire que l'amygdale est tellement sollicitée. L'hippocampe n'a jamais vu ce qui est en train de se produire. Donc, il y a une surchauffe. Il cherche le contexte, il dit ah, je ne reconnais pas. Donc, l'amygdale est suractivée. Bien évidemment, je caricature un petit peu les phénomènes. Mmh. Mais l'amygdale est suractivée, le cortex ne peut plus en prendre le contrôle, la régulation ne se fait pas. Et donc, le souvenir ne s'engramme pas comme il devrait l'être. Et en fait, chaque fois que la personne va se retrouver dans un contexte qui va lui rappeler ce qu'elle a vécu, ce souvenir-là va ressurgir de façon extrêmement présente. Si vous voulez, c'est assez simple à comprendre, puisque vous savez très bien que vous, comme moi, nous nous souvenons davantage de ce qui nous a profondément marqué. On se souvient, par exemple, d'où on était, de ce qui se passait ce soir, ce fameux soir du 13 novembre, ou à d'autres moments marquants de l'histoire, le 11 septembre. Mais nous avons réussi à mettre en place les mécanismes, normalement, de régulation qui font que c'est rentré dans un souvenir classique. Mais si nous l'avions vécu, ça ne se serait sans doute pas passé comme ça. C'est-à-dire que là, il n'y a pas les mécanismes de contrôle qui se mettent en place. Et c'est là que ça dérape. Donc, à chaque fois qu'on revit la scène, on la revit comme si c'était aujourd'hui. Comme si c'était en train de se passer. Les victimes de syndrome de stress post-traumatique disent que vraiment c'est extrêmement incapacitant, que c'est complètement bouleversant, que ça les met vraiment dans un état qui est un état extrêmement violent émotionnellement. Bah, comme il l'était au moment où ça s'est produit. Il n'y a pas cette atténuation par le souvenir et par le temps. C'est ça. Voilà ce qui se produit. Voilà ce qui est un stress post-traumatique. Alors on peut rappeler que c'est pas d'aujourd'hui qu'on connaît le stress post-traumatique, qu'on l'avait déjà, les armées napoléoniennes l'avaient déjà avec le vent du boulet. Il y a eu ensuite pendant la guerre de 14, puisque nous sommes dans les commémorations de cette période, et que d'ailleurs vous en êtes partenaire à France Culture, il y avait l'obusite. Alors l'obusite, c'était tous ces soldats qui revenaient du front pendant la guerre de 14, complètement traumatisés, avec des tremblements courbés qui ne pouvaient plus se relever. Et la médecine faisait face pour la première fois à ce type de phénomène de façon massive, ne savait pas quoi faire avec ces soldats. Beaucoup sont passés en conseil de guerre, puisqu'on estimait qu'ils simulaient leur état. Et il y a même eu des traitements extrêmement violents, avec des traitements électriques. Et d'ailleurs, Gustave Roussy est un des médecins qui a pratiqué cette forme de traitement, jusqu'à ce que finalement on comprenne que c'était pas de la simulation, c'était réellement un problème psychiatrique. Et c'est la guerre du Vietnam, beaucoup, qui a permis aussi d'avancer, de faire des progrès sur ces questions-là. Et c'est un décret en 92 en France qui a reconnu les blessés par syndrome post-traumatique. Donc désormais, c'est vraiment une pathologie reconnue. Et qui donne lieu d'ailleurs à un certain nombre de recherches. Voilà. Malheureusement, les attentats, et notamment le premier d'entre eux chez nous, qui est l'attentat de 95 à Saint-Michel, a remis sur le devant de la scène ses recherches, cette absolue nécessité de travailler ce thème. Et alors justement, parlons un peu de ces deux programmes initiés par le CNRS qui commencent à donner des résultats. Vous souhaitez commencer par lequel? Remember, Mémoire vive, dont je rappelle qui est un programme auquel France Culture est associé également. Oui, on va faire les deux. Je vous laisse commencer par celui que vous voulez. Bon, l'essai clinique qui est en cours, en fait, concerne des victimes direct du Bataclan, à qui l'on a proposé de participer à cet essai. Alors, l'idée, c'est d'associer cette molécule donc, qui s'appelle le propanolol et qui est une molécule qui n'est pas récente puisque c'est ce qu'on appelle un bêta-bloquant qui était utilisé depuis les années 70 pour soigner l'hypertension. Et on s'est rendu compte qu'elle pouvait agir sur ce mécanisme qu'on a décrit tout à l'heure, à condition de l'associer à une psychothérapie. Alors, comment ça marche? Cette molécule, le propanolol, agit en inhibant les récepteurs de la noradrénaline. En gros, pour faire simple, il empêche le système de s'emballer. Donc, en fermant les portes, si vous voulez, en fermant les portes aux hormones qui pourraient entretenir ce mécanisme. Donc, on ferme les portes, du coup, l'amygdale va commencer à se calmer, voilà, à ne pas suractiver comme elle le fait. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que c'est pas un traitement miracle chimique. Il faut réécrire l'histoire. Donc l'idée, c'est de faire venir ces personnes pendant 6 semaines, à raison d'une séance par semaine, et de leur faire réécrire, ça se passe par écrit, ça se passe par oral aussi, mais ça se passe par écrit, ce qu'ils ont vécu. Donc ils le répètent, et en même temps leur fait prendre cette molécule. Donc il y a cette inhibition chimique dans leur cerveau, et en même temps, ils revivent par la parole ce qu'ils ont vécu, et tout ça fait que peu à peu, ils le réécrivent différemment, ils le ressentent différemment, puisqu'ils le revivent à chaque séance différemment. Et ça s'atténue. C'est-à-dire qu'on force en quelque sorte la main à l'intégration de ces souvenirs à la mémoire longue. Voilà, exactement. On essaye de leur faire revivre l'événement sous cette forme-là pour essayer de faire prendre à ce souvenir le bon chemin vers la mémoire longue et d'atténuer ce qu'on appelle la valence, c'est-à-dire le côté très désagréable de ce qu'ils ont vécu, le côté traumatisant. Et ça donne de bons résultats. Donc 350 patients dans la cohorte. C'est ça. Il y a des essais qui sont également menés au Canada, qui ont donné également de très bons résultats sur le propanolol, la même façon de traiter les gens. Donc c'est un espoir assez important pour réussir à... Alors bien sûr, ça ne changera pas définitivement, ça n'efface pas le traumatisme. Ces gens-là, du jour au lendemain, ne vont pas dire, finalement, ne vont pas raconter ça, évidemment, comme ils raconteraient un autre souvenir. Mais au moins, ils ne le vivront plus. Avec cette acuité. Et ça a donné lieu à une publication dans The American Journal of Psychiatry, hein, et pour le dire dans des termes un peu techniques, ça permet ce propranolol, je crois qu'il y a deux R, moi aussi on a envie de dire voilà. Propane, mais en fait c'est propranolol, permet le blocage en fait de ce qu'on appelle la reconsolidation mnésique, qui améliore du coup la perception de l'événement traumatique, c'est qu'effectivement on aide du coup cet événement traumatique à passer graduellement dans la mémoire. Ça c'était le programme Mémoire Vive. Il y a un autre programme, Carole, qui s'appelle Remember, de quoi s'agit-il ? Alors là, il s'agit d'aller voir effectivement c'est de l'imagerie cérébrale, hein. Donc là, c'est d'aller voir dans le cerveau comment ces mécanismes se mettent en place. Et ça, donc, c'est l'université de Caen qui dirige ces... Alors, il y a eu une volonté entre ce programme et celui de la pitié salpêtrière de s'allier, puisqu'ils travaillent sur les mêmes choses, ce qui n'a pas été possible pour des raisons financières. Donc, on peut penser qu'il y a encore quelques progrès à faire. Bien que tous ces programmes aient été quand même largement dotés, puisque on parlait tout à l'heure du CNRS et qu'il y a quand même eu 800 000 euros qui ont été dédiés à ces programmes. Mais ça n'est pas suffisant. Ce que l'on peut dire malheureusement, c'est que les attentats évidemment, on souhaite que ça ne se reproduise pas, mais ça permet à la psychiatrie d'avancer. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a des voix discordantes, hein, sur ces recherches. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas tout miser sur ces molécules, hein, qu'il y a d'autres façons également de traiter le syndrome post-traumatique. Les thérapies conjointes, cognitivo-comportementales, etc. Voilà, puis il y a aussi eu la mise en place en 1995, après l'attentat de Saint-Michel, des cellules d'assistance psychologique, qui sont elles aussi plus ou moins contestées, parce qu'il semblerait aussi que parler trop tôt, lorsqu'on n'en a pas envie, d'un événement traumatisant, ça ne serait pas favorable non plus pour ne pas développer un stress post-traumatique. Tout ça. On avait parlé de cette étude, effectivement, hein, de dire que fixer immédiatement un souvenir traumatique, en fait, ça n'aide pas du tout à son intégration et ça a plutôt des effets contre-productifs. On va peut-être vous retrouver, je crois qu'on avait parlé autour de cette table avec l'un des camarades du vendredi. Et peut-être, oui, sur Remember, peut-être nous raconter, parce que là, effectivement, c'est de l'imagerie médicale, de l'IRM fonctionnel. C'est une étude qui fonctionne sur trois groupes tests qui ont été comparés, justement, pour essayer de comprendre les phénomènes d'association. Assez passionnant. En fait, on a essayé de voir comment ça fonctionne, cette association, cette acuité entre l'événement et le souvenir. Donc, on a... les chercheurs ont constitué trois groupes en donnant au premier groupe une association obligatoire, c'est-à-dire que chaque fois qu'on prononçait un mot, je crois que le mot choisi était le mot bateau, on leur montrait une image de maison. Et donc ils ont fini par associer automatiquement, dès qu'on leur disait bateau, ils pensaient maison, dès qu'on leur montrait une maison, ils pensaient bateau. Et on a essayé de voir comment on pouvait désassocier ces deux mots, et on a comparé ça avec des groupes témoins et on s'aperçut effectivement qu'une fois que le système était engrammé, c'était quand même très difficile d'arriver à faire en sorte que cette association n'ait plus lieu. Voilà, c'est des recherches sur ce thème. Et on comprend bien comment, justement, désassocier, ça peut être important dans ces problèmes liés au syndrome de stress post-traumatique. Peut-être une réaction à ces différents travaux, Viviane ? Je trouve ça très, très impressionnant et ça me fait beaucoup penser aux personnes qui sont en train de passer les 6 semaines, comme elles doivent revivre tous les jours, réexpliquer sans arrêt ce qu'elles ont vécu. Et est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de changer leur perception? Je serais assez curieuse de le savoir. Alors, nous avons interrogé des rescapés du Bataclan qui participent à ces programmes. Et ils se rendent compte tout à fait du bien que ça leur fait. Maintenant, le recul n'est pas forcément suffisant pour savoir combien de temps ces effets dureront. Les chercheurs pensent que c'est à long terme, mais on l'ignore. Mais pour les témoignages que nous avons eus, ça semblait favorable. Loïc. Oui, moi je voulais aussi un petit peu. Juste pour signaler, d'abord, je crois que c'est l'un des thèmes d'un des livres qui a reçu un prix cette semaine. Le Lambeau de Philippe Lançon, le prix Renaudot, si ma mémoire est bonne. Oui, je crois. Et toujours autour de ces attentats. Le Fémina, oui. Et donc, toujours autour de ces attentats, il y a aussi un programme que je trouve passionnant, c'est celui qui est mené par Denis Péchanski, qui est sur la construction de la mémoire collective cette fois. Et donc, par des entretiens, donc c'était genre un an après. Et puis 3 ans après, je crois que la dernière vague a eu lieu récemment et la prochaine aura lieu dans moins 5 ans, voir comment le souvenir se perpétue, se fige, évolue et comment il s'ancre dans la mémoire dite collective. Donc ça, je trouve ça aussi passionnant. Carole ? Je voulais juste aussi rappeler une étude qui n'est pas tout à fait directement en rapport avec le syndrome post-traumatique, qui est intéressante, qui a été faite aussi sur les attentats qui ont eu lieu à Paris. Et c'est une étude de chercheurs de l'université College London, donc à Londres, et qui a essayé de savoir s'il y avait eu des comportements altruistes au cours des attentats. Parce qu'on a tendance à dire, lorsqu'il y a des attentats, les gens se barricadent, paniquent, seraient prêts à se marcher les uns sur les autres pour s'en sortir. Eh bien, je crois que il faut revoir un petit peu cette idée reçue, puisque cette étude menée sur les rescapés a montré qu'il y avait beaucoup aussi de gestes altruistes, même au cœur d'un événement aussi traumatisant. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant à mettre en valeur. Ça donne rassurant. Ça donne une petite lueur d'espoir. Voilà, tout cela est passionnant, c'est à lire dans le numéro de novembre de Sciences et Avenir. Et puis un mot pour vous dire que juste après la méthode scientifique, tout à l'heure, le grand reportage, le magazine de la rédaction de France Culture sera consacré exactement à la question des familles du 13 novembre. Comment vivre justement dans l'absence de la personne disparue. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h32, vous écoutez donc la méthode scientifique sur France Culture. On va intervertir un peu, on écoutera, vous avez trouvé un joli morceau pour illustrer le sujet qui vient, mais dont on va parler tout de suite. C'est un sujet, il va être au cours duquel il va être question du temps et notamment de la patience, donc de la façon dont notre cerveau conçoit le temps. Qu'est-ce qui détermine si l'on accepte de laisser du temps au temps ou si au contraire nous voulons tout de suite sans attendre. Et plus généralement, comment expliquer le fait que nous, humains occidentaux, n'avons jamais eu dans l'histoire de notre civilisation autant de temps libre, alors que pourtant nous passons notre temps à pester en nous disant que nous n'avons pas assez de temps, que les journées sont trop courtes et qu'on court après ce fichu temps. Ce sont quelques-uns des angles, Loïc Mangin, que vous abordez dans votre très joli numéro collector de Pour la Science, qui est consacré justement à la question du temps, aux questions du temps, parce que vous en traitez un certain nombre. Oui, à peu près une douzaine, je crois. Donc effectivement, on aborde le temps sous des aspects physiques, biologiques, avec les horloges biologiques par exemple, mais aussi sociologique et aussi neurobiologique, et donc c'est de ça dont on va parler ensemble. On va prendre un peu de temps pour en parler. Vous avez tout le temps qu'il faut. Et on a tous les jeux de mots possibles, imaginables. Voilà, on va également en faire un certain nombre. On va essayer de limiter les jeux de mots sur le temps. Allez-y, j'ai déjà un peu cramé le capital. D'accord. Ouais. Et donc effectivement, un article est consacré à notre impatience, en fait. Et par quels moyens on apprend à attendre et pourquoi aujourd'hui on devient de plus en plus impatient. Et donc un article de neurobiologie nous décortique un petit peu les mécanismes, les deux grands systèmes qui nous permettent de nous contrôler, de ne pas céder à la tentation dès que quelque chose se présente à nous. Et donc voilà, donc on a deux systèmes. On a un système dit de contrôle cognitif qui nous permet de mettre le haut là, voilà, d'éviter tous les automatismes. Au 19e siècle, un biologiste s'était rendu compte que quand les régions concernant ce circuit étaient endommagées, On ne pouvait plus résister aux automatismes. On donnait un marteau à ces personnes-là et cassait tout ce qui se trouvait sous... Un peu comme chez les enfants, quand le système n'est pas encore tout à fait développé. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes que vous décrivez, ils sont liés. La notion de patience dans notre cerveau, c'est lié au concept d'impulsivité. C'est de dire, est-ce que je suis ou non capable de réfréner mes impulsions immédiates. Voilà, donc on a un système qui va aussi contrôler ces impulsions, donc en donnant une valeur à des récompenses en fonction de leur environnement. Et donc, une expérience très célèbre, c'est la fameuse expérience du chamallow, enfin du marshmallow en anglais. Marshmallow, pour ne pas dire de marque, qu'on connaît avec les enfants, vous pouvez nous la rappeler, cette expérience. Voilà. Donc, elle date quand même des années 60, hein, donc ça ne nous rajeunit pas. Et donc, c'est un certain Walter Mischel, donc, qui était à Stanford, qui avait deux filles et qui les suivait régulièrement, qui les voyait grandir et qui était très intrigué par l'évolution qu'il a observée, à savoir le passage justement de cette impulsivité, de cette impatience, à un meilleur contrôle d'elle-même. Il a voulu en savoir plus et donc il a mis au point cette expérience où on propose à des enfants un chamallow, un marshmallow pardon, tout de suite. Une guimauve, tout de suite, ou bien deux, un peu plus tard. En fonction de l'âge des enfants, etc., beaucoup ont cédé à la tentation, d'autres se sont réfrénés, se sont contenus. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en suivant ces enfants sur le long terme, il s'est rendu compte que ceux qui se maîtrisaient mieux étant jeunes sont ceux qui, de façon un peu caricaturale, ont le mieux réussi dans leur vie. Donc, Et c'est intéressant parce que cette expérience montrait aussi comment, à certains âges, on a plus ou moins cette conception du temps. Pour des tout petits enfants, on leur dit la deuxième guimauve arrive dans 10 minutes, c'est un temps immense, infini, oui. Alors que plus on grandit, plus on comprend et mieux on commence à intégrer justement, et donc mieux on arrive à réfréner ces pulsions d'immédiateté. Et puis il y a cette maturation du système de contrôle cognitif qui fait que on peut réfléchir, on peut se réfréner à nouveau et dire que bon, c'est peut-être pas plus mal d'attendre 2 minutes pour avoir un deuxième marshmallow. Une deuxième guimauve. Donc ça c'est le contrôle cognitif, et il y a un autre système qui permet de réguler l'impulsivité et qu'on appelle l'impulsivité motivationnelle. Qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est pour là-dessus on met un système, c'est le système de valuation, c'est ce qui va permettre de pour le coup, de donner une valeur, c'est pour ça qu'on l'appelle système de valuation, qui va donner une espèce de valeur à une récompense en fonction du contexte. Et donc ce système-là, c'est un peu celui qui est en train d'évoluer dans l'expérience du marshmallow. Et c'est lui de la guimauve. On va y arriver. Marshmallow, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Et donc c'est lui qui est sous le contrôle du contrôle cognitif. Et donc on a un système à deux niveaux qui nous permet d'être patient. Et alors, comment est-ce qu'on étudie justement ces différents systèmes? Comment ils se régulent? Et puis surtout, comment est-ce qu'ils évoluent au cours du temps? Alors, on les étudie par différents systèmes d'expérience. Donc, par exemple, pour étudier le système de contrôle cognitif, on a des séries d'expériences de go-no-go où on va demander à des participants d'appuyer sur un bouton chaque fois qu'ils voient un carré rouge, et donc ils défilent très, très rapidement, et de surtout pas appuyer contre un carré jaune, par exemple. Et ceux qui se maîtrisent bien réussiront le test. Ceux qui ne réussissent pas, on pourra dire qu'ils ont des automatismes qui contrôlent mal. Donc ils ont un contrôle cognitif défaillant. Moins performant. Que les autres. Voilà. Ça fait intervenir aussi la notion de mémoire de travail. Pourquoi cela? Plusieurs études ont effectivement montré que ce système de contrôle cognitif était corrélé finalement à la mémoire de travail. Et c'est un peu ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, tout ça est un peu... menacé par nos propres modes de vie, puisque notre mémoire de travail est de moins en moins sollicitée. Qu'est-ce que c'est que la mémoire de travail? Il faut juste leur dire en quelques mots. Pour filer une métaphore, pour prendre une image un peu informatique, c'est une sorte de mémoire vive. Par exemple, vous la faites fonctionner, vous êtes au téléphone, en bas d'un immeuble, on vous donne le code, vous le retenez suffisamment longtemps pour pouvoir le taper juste à ce moment-là, quitte après à l'oublier complètement, mais parce que vous n'avez plus besoin. Quoi. C'est une sorte de mémoire vive qui vous sert sur le moment, quoi. Et qui, après, peut disparaître. Et c'est l'une des pistes d'explication de notre perte de patience collective, hein, puisque c'est un peu ce à quoi conclut l'article, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus impatients, en partie parce que cette mémoire de travail-là, elle est très abîmée par la structure aujourd'hui de l'information, de la façon dont on reçoit l'information. Elle est de moins en moins sollicitée, de moins en moins exploitée, et effectivement par notre nouveau mode de vie qui a un peu changé depuis quelques décennies, à savoir que c'est un peu ce qu'on peut résumer sous le, le mot d'effet Google, où on est interrompu en permanence par des tweets, des notifications, ce genre de choses. Par ailleurs, il y a aussi une externalisation de la mémoire. On compte de plus en plus sur nos petits smartphones qui sont des espèces d'extensions de nos cerveaux. Et du coup, on fait beaucoup moins travailler notre mémoire. Et ce qui fait que cette mémoire de travail est de moins en moins exploitée, sollicitée, entraînée. Et comme c'est corrélé à ces systèmes de contrôle cognitif, du coup, on peut observer une sorte d'impatience de plus en plus répandue, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit des gens renoncer à la moindre file d'attente parce qu'il y a deux personnes dedans, quoi. Oui, parce c'est une logique de récompense systématique, hein, c'est une logique dopaminergique dont on a parlé pas mal ici. On est toujours en permanence récompensé par un like, récompensé par le fait de répondre, par le fait d'avoir une réponse immédiate, par l'immédiateté de tous ces systèmes d'information. On est dans l'instantanéité. Et on est de moins en moins habitué à attendre. Et tout ça forme un cercle vicieux. Et donc, on est de moins en moins apte à attendre, de moins en moins apte à patienter. Là-dessus se rajoute aussi une couche de stress qui perturbe aussi cette... De ce qu'on appelle le technostress, parce que tout cela, ça nous récompense beaucoup, mais par ailleurs, ça nous met aussi dans une sorte d'état de stress à bas bruit permanent, parce qu'on est toujours dans l'attente de la prochaine sollicitation, de la prochaine alerte, du prochain message, du prochain mail. Voilà, et donc tout ça fait que on est de moins en moins habitué à attendre. Alors, il semblerait qu'il y ait une différence entre les gens des villes et les gens des campagnes. Pardon. À vos souhaits. Voilà. En ville, le stress est plus important, ne serait-ce par les transports, ce genre de choses. À la campagne, on constate que les gens sont plus aptes à attendre, ils sont plus patients, en fait, tout simplement. Et c'est un peu inquiétant, puisque je crois qu'à l'horizon 2050, on prévoit que 70% de l'humanité sera urbaine. Ça va faire beaucoup de stressés, beaucoup de gens impatients. À la poste, ça va être terrible. Voilà donc de l'importance non seulement de se déconnecter un peu, mais surtout d'aller vivre à la campagne. C'est bien pour la patience, c'est bien pour le cerveau, c'est bien pour l'équilibre. Bref, c'est bien de vivre à la campagne. Il y a un autre article passionnant, Loïc, en quelques mots, qui est un entretien avec Jean Viard autour de ce paradoxe que j'évoquais tout à l'heure du temps disponible. On n'a jamais eu autant de temps pour nous, et pourtant, on est en permanence en manque de temps. Comment est-ce qu'il explique ça ? Donc, le changement de mode de vie dont on a parlé est un des aspects qui fait que on est de plus en plus en manque de temps apparent, en tout cas. Si on remonte un petit peu dans l'article, donnez-nous quelques chiffres, parce que les chiffres sont assez amusants. Donc, en 1900, on calcule à la louche qu'on travaillait, on vivait à peu près 500 000 heures, on travaillait 200 000 heures, on dormait autant, il reste donc 100 000 heures de temps dit libre, si même en 1900, cette notion était un peu différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 4 fois plus de temps libre, on a 400 000 heures. On vit plus longtemps, on travaille moins. En fait, les nuits sont plus courtes, donc on dort autant qu'il y a un siècle. Ce qui fait qu'on a... On est à la retraite, par exemple. La retraite, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité. Ça date du 19e siècle. Voilà. Avant, la retraite, c'était... Même la notion de temps libre est complètement récente. Elle date du début du 20e siècle, tout simplement. Temps libre, congés payés, vacances, retraite, repos. Le repos, c'est amusant. C'est amusant. C'était éternel. Il n'y avait rien d'autre que le repos éternel. Le repos, c'est quand on est mort, quoi. Voilà. On se reposera quand on sera mort, en fait. C'est étymologique quasiment. Et donc c'est intéressant parce qu'on a donc 4 fois plus de temps libre. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de manquer toujours de temps ? Parce qu'on a 10 fois plus d'offres pour remplir ce temps libre qui est seulement, entre guillemets, 4 fois plus étendu. Prenons la dernière rentrée littéraire, 600 romans à peu près, évidemment on pourra jamais tous les lire. On est sollicité de toutes parts par des amis, des voyages, des propositions. Par le monde numérique dont on vient de parler, la sollicitation constante de nos téléphones, de l'informatique, du numérique. Oui. Voilà, ce qui fait que, donc d'une part, le choix est un peu chronophage et donc on est soumis de plus en plus à des choix, ce qui n'arrivait pas à un siècle où... finalement, on travaillait, on rentrait, on dormait, point, quoi. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi que dit Jean Viard et qui, à mon sens, est très vrai, c'est qu'on a aujourd'hui, on est arrivé dans une société urbaine, contemporaine, connectée, où on a peur du vide, on a peur du temps mort, on a peur du temps qui ne serait pas sollicité, qui ne serait pas rempli du divertissement au sens pascalien du terme. Il suffit de voir les enfants, les adolescents qui ne s'ennuient plus, qui savent plus faire ça, qui plus rester l'ennui flâner. N'existe plus quoi. Ou oui, alors c'est devenu une tare. Vivre à la campagne, flâner dans les champs, Carole. Oui, non, je voulais dire qu'il y a des philosophes qui effectivement réfléchissent à ça. Je pense à Helmut Rosa qui a beaucoup travaillé sur l'accélération. Je pense aussi à Michael Fessel qui est le professeur de philosophie à Polytechnique et qui Jean Stigler aussi. Et qui lui qui Bernard Stigler. Qui affirme que si l'on a l'impression qu'on a beaucoup de temps mais qu'en fait on en manque, c'est simplement une question de sens aussi, c'est-à-dire qu'il y a une injonction à la performance, et en fait on se demande en fait à quoi peut bien servir tout ce temps dont on dit que l'on dispose, et ce n'est pas vrai parce qu'effectivement il y a énormément de sollicitations et donc on n'a pas plus de temps libre en fait. A priori les chiffres montrent qu'on a quand même plus de temps libre. De temps libre, c'est-à-dire le temps qui n'est pas consacré au travail, à la famille. Mais on a un problème de sens. Et il faudrait que notre société redonne un sens à ce temps dont on dispose. Le mouvement est à peu près enclenché. Ça va avec la mode de la marche qui revient du yoga, de la méditation. On essaye. Bon, ces évolutions ont été très rapides, donc on est un peu pris de court. Mais la contre-réaction est en cours. Viviane, une réaction, justement. Oui, justement. Mais moi, je trouve que c'est surtout l'importance de prioriser les choses dans sa vie, en fait, finalement. Si on arrive à prioriser qu'est-ce qui est important pour nous, finalement, ça devient facile d'accorder du temps à ce qui est important pour nous. Donc, il y a aussi sa propre conception de comment est-ce qu'on veut dépenser son temps. Vivez à la campagne, flânez, retournez dans la forêt, dans la montagne, oubliez vos téléphones, voilà. Profitez, écoutez le temps passé. J'ai le temps, patience. Je ne sais pas trop comment je m'y prendrai, mais je vais t'étudier, patience. Je viens de poser une colle à mes invités et tout le monde sait. Peut-être chez vous aurez-vous reconnu cette voix féminine qui chante Patience. C'est la voix d'Annie Cordy, figurez-vous. Ah, absolument, oui. C'est Annie Cordy qui chante Patience. Un très beau morceau d'Annie Cordy. On termine cette semaine par notre dernier dossier. Un dossier qui a pour point de départ, Viviane Lalande, une nouvelle prouesse de chirurgie reconstructive, celle de la première greffe totale de visage au Canada, qui a eu lieu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Alors comme toujours, ces greffes de visage, ce sont vraiment des opérations de la surenchère technique. Oui, vraiment, vraiment. Et donc là, c'était un homme, il s'appelait Maurice, à 64 ans. Il avait été victime d'un accident de chasse 7 ans auparavant. Et donc, il y a une équipe de médecins qui lui a proposé de lui greffer un nouveau visage. Et donc, ce nouveau visage était constitué de deux mâchoires, des muscles, des nerfs, un nez, du cartilage, des dents et de la peau. Donc, quelque chose de quand même assez conséquent. Et alors, c'était une première pour le Canada, mais la première mondiale a eu lieu ici, en France, en 2005. C'était il y a 13 ans déjà. Alors on pourrait se dire qu'en 13 ans, ça a bien évolué et que maintenant c'est devenu quelque chose de courant. Mais non, dans le monde, là, si on prend toutes les greffes de visage qui ont lieu, il n'y en a seulement une quarantaine en 13 ans. Donc ça reste encore assez rare. Quand on dit que c'est de la surenchère technologique, je suis en train de rechercher les chiffres. 16 heures de prélèvement sur l'ancien visage, 12 heures pour prélever celui du donneur, 18 heures pour le greffer. C'est des opérations fleuves incroyables qui sollicitent un nombre de personnes invraisemblables. C'est vraiment de la vraie prouesse, de la dentelle chirurgicale. Ah oui, vraiment. Je crois que j'avais lu quelque chose comme 100 personnes impliquées dans ces opérations-là. C'était quelque chose de vraiment impressionnant. Et c'est impressionnant déjà de greffer un visage, alors un visage, c'est encore plus impressionnant. Mais cela dit, même si on a redonné un visage à Maurice, il a quand même encore un sacré paquet d'obstacles devant lui, notamment, et puis on le connaît, le risque de rejet, que ce soit pour un organe ou pour un visage, c'est la même chose, il y a des problèmes de rejet. Et on oublie de le dire souvent, mais c'est vrai qu'une greffe, ça n'est pas à vie. Hein. Quand on greffe un organe, eh bien, on prend des immunosuppresseurs toute la vie, et puis il y a de toute façon un moment où le greffon, ben, il arrive il à bout, en fait, où il faut soit le changer, etc. Alors là, ça pose un problème particulier, c'est que Maurice est un patient très âgé pour une greffe puisqu'il a 64 ans. Oui, c'est ça, 64 ans. C'est vraiment âgé. Donc, de toute façon, il est obligé de prendre ses médicaments anti-rejet parce que notre biologie n'est pas très flexible au changement d'organes, sans surprise. Et au non-soi, quand on met du non-soi sur du soi, eh bien, le système immunitaire se met en route et puis veut expulser tout ça. Exactement. Voilà. Puis on peut ajouter aussi toutes les problématiques éthiques. Hein. Donc, déjà, en organe, il y a des problématiques éthiques. Mais alors, pour un visage, c'est le visage d'une personne décédée dont son fantôme, en quelque sorte, existe toujours. Alors, je ne sais pas ce que ça donne comme conclusion, mais dans la... C'est toujours, en tout cas, avec l'approbation de la famille du défunt. Oui, bien sûr. Évidemment, mais tout ça est très encadré éthiquement, mais c'est effectivement quelque chose... Ça reste compliqué à gérer dans les deux familles, j'imagine. J'imagine, en tout cas. Et du coup, l'une des solutions, ce serait, et c'est quelque chose après quoi la chirurgie reconstructrice court depuis très longtemps, ce serait d'arriver à de l'autogreffe, c'est-à-dire de réussir, en fait, à greffer des organes qui viendraient ou qui seraient cultivés à partir de soi. Exactement. Alors, parce que ce qu'on veut, en fait, c'est nos cellules à nous. Alors, il n'existe pas une deuxième version de nous-mêmes. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est construire une deuxième version de nous-mêmes à partir de cellules. Et donc, il y a une technologie qui se développe, qui s'appelle l'impression 3D. Vous en avez entendu parler, on entend beaucoup parler depuis quelques années. Et donc, on imagine que ça pourrait nous donner la perspective de greffer des organes avec nos cellules. Donc, le matériau vraiment de base, ce serait nos cellules à nous. Donc, il n'y aurait plus aucun rejet, a priori, et on réduirait un petit peu, au moins, les problèmes éthiques. Mais alors, il y a beaucoup encore d'obstacles sur la route de la bio-impression, puisqu'on parle de bio-impression, pour réussir à prélever et pour reconstituer. On sait faire avec des tissus assez simples, mais dès qu'on arrive dans des tissus plus complexes, ça devient plus complexe, de facto. Oui, effectivement. Il ne faut pas nourrir de faux espoirs. Si des membres de votre famille a besoin d'une greffe, l'impression 3D d'organes, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, si on fait un petit état des lieux, aujourd'hui, on sait reproduire des vessies. Elles ont été fabriquées à partir de cellules qui ont été cultivées in vitro, puis installées sur une sorte d'échafaudage biologique, une structure 3D capable d'accueillir ces cellules. Puis les vessies résultantes ont été implantées sur 7 patients humains. Et là, le papier de recherche dont je parle date de 2006, donc ça fait quand même un petit moment qu'on sait faire ça. Ouais. Quoi d'autre ? On sait aussi reproduire deux des trois couches de la peau, donc l'épiderme et le derme. L'hypoderme qui est la couche la plus profonde, la plus vascularisée. Vascularisée, c'est pas pareil. La plus vascularisée et beaucoup plus complexe à reproduire. Et là, on est vraiment juste au stade de la recherche. On a aussi des os qu'on sait reproduire, des vaisseaux sanguins, du cartilage, etc. C'est-à-dire qu'on sait bien faire, en fait, tant qu'on est sur du monocellule. Exactement. Ouais. Parce que finalement, un organe, c'est un ensemble de tout, plein de petites choses, et donc ça va être très difficile de rassembler toutes ces choses-là dans une même structure constituée de cette multitude d'éléments. On sait néanmoins, on a réussi, on en avait parlé ici, on commence à faire ce qu'on appelle des organoïdes. Oui, c'est ça exactement. Et d'ailleurs, on les utilise. Donc, c'est des. J'en avais vu qui faisaient 500 microns de côté. Donc, 500 microns, c'est 0,5 mm. Et donc, c'est tout petit. Puis, c'est vraiment pour faire des essais de recherche fondamentale pour tester des médicaments, ce genre de choses. Alors, l'intérêt de l'impression 3D, hein, pourquoi est-ce qu'on cherche l'impression 3D ? Parce que finalement, la culture de tissu, c'est quelque chose qu'on sait faire déjà depuis un moment. En fait, l'impression 3D, on en parle comme une technologie, c'est pas une technologie, c'est un principe de fabrication et qui s'appelle d'ailleurs la fabrication additive. D'ailleurs, petite parenthèse, si on parle d'impression 3D dans les médias depuis 10 ans environ, c'est à peu près cette période-là, avant on employait ce terme de fabrication additive et non impression 3D. Et fabrication additive, faut peut-être préciser parce que c'est important, parce que ça change, en fait ça change le paradigme. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas à un bloc, au contraire, on ajoute couche par couche. C'est ça, donc on est en construction de matière, on ajoute à chaque fois de la matière. Et si on en parle surtout depuis 10 ans, c'est parce que les brevets de cette technique datent des années 80 et étaient réservés aux inventeurs. Et un à un, les brevets expirent et la technologie devient exploitable par nous tous, ce qui a induit une multiplication des machines, une apparition dans les médias, un coût divisé par 100, voire par 1000. Et c'est à peu près à partir de ce moment-là que le terme impression 3D a commencé à exploser. C'était la fin de ma parenthèse. Vous pouvez Je reviens maintenant avec ce principe de fabrication qui n'est donc pas juste une technologie. On est capable d'imprimer des pièces d'avion, des chaussures, des bijoux, des pizzas, des outils, du corail, des armes. Il y a même eu une maison à Nantes qui a été construite cette année en impression 3D. À Amsterdam, un pont qui est en train d'être fabriqué aussi. Et on l'espère bientôt, des organes complets. Alors justement, quels sont aujourd'hui encore les obstacles techniques pour pouvoir arriver à faire de l'impression multicellulaire ou de multi-types cellulaires pour arriver à des organes qui sont des organes plus complexes? Oui, alors il va falloir que je résume à un seul type de technologie, mais évidemment c'est une simplification parce que donc c'est un principe de fabrication, il y a plusieurs technologies. Une des technologies, on peut la résumer à un récipient qui contiendrait notre matériau, donc par exemple les cellules, et on le pousse au travers d'un trou, ce qu'on appelle la buse ou la tête d'extrusion, qui permet de créer un filament que l'on dépose. Et alors on forme une première couche, puis on monte un peu notre tête d'extrusion, puis on forme une deuxième couche jusqu'à avoir construit toute la hauteur de l'objet. Donc il y a des résines, il y a du métal, des cellules à injecter, donc, que l'on appelle de la bio-ink ou des bio-gels, de l'encre biologique. Parce que c'est ça qui est le plus fou à considérer, c'est que nos cellules finalement deviennent la matière première d'une technique de fabrication. Moi, je trouve ça toujours très impressionnant. En un mot, Viviane, parce qu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, est-ce que on a, alors c'est toujours difficile de faire de la science prédictive et on essaie de l'éviter le plus possible dans l'émission, mais est-ce qu'on a un horizon, c'est-à-dire est-ce qu'on commence à avoir des perspectives de recherche qui disent que d'ici quelques années, on va réussir à faire des organes complexes, mais aussi peu complexes par exemple qu'une oreille, qui est pourtant un organe déjà complexe. Mais l'oreille, il y en a qui ont été reproduites déjà, mais je pense que c'était des tissus uniquement morts entre guillemets, donc pas des tissus vascularisés. C'est assez difficile d'avoir une boule de cristal et de pouvoir le prédire. Évidemment, on a déjà des organoïdes. En 30 ans, on est passé de la naissance de la technologie à une technologie qui était vraiment gardée dans certaines entreprises, à une expiration des brevets, à un développement assez impressionnant, avec l'espoir de fabriquer des organes, au fait de fabriquer des organoïdes, donc ces tout petits morceaux d'organes. Alors, quand est-ce qu'on va arriver à la dernière étape? Je ne sais pas quand est-ce que ça sera, mais j'espère assister à ça de mon vivant. Oh, je pense qu'il y a de bonnes chances tout de même. Un mot, Viviane, puisque donc vous êtes exilée au Québec, oui. Vous êtes de passage à Paris pour ce livre chouette comme tout qui s'appelle « Le monde a des racines carrées », c'est aux éditions de l'Homme. Vous pouvez nous en dire deux mots? C'est un peu une extension de votre chaîne YouTube Syllabus. Disons que c'est la même idée, mais c'est pas le même contenu. Moi, j'aime beaucoup les sciences appliquées au quotidien, et donc je voulais reprendre des notions qu'on voit souvent au collège, comme les ondes, l'électricité, le pH, les racines carrées, et expliquer à quoi ça sert à la fois dans la vie quotidienne, donc donner des vrais exemples pratico-pratiques, et dans la vie d'un chercheur. Donc j'ai interviewé une personne pour l'occasion, chercheur ou expert. Et donc comme ça, on peut avoir les deux visions, on peut voir comment une notion finalement s'applique à différents niveaux. Ce qui est intéressant, c'est que vous essayez à chaque fois de repartir de problèmes extrêmement simples, oui. pour pouvoir ensuite les aborder de manière scientifique et de les complexifier palier par palier. Oui, exactement. Sorte. Par exemple, pour les ondes, qui est moi mon chapitre préféré. Donc c'est les ondes, je parle des ondes sonores pour la partie vie quotidienne, pour savoir comment s'insonoriser de ses voisins, et puis pour la partie expert, j'avais interviewé une chercheuse qui travaille dans les ondes gravitationnelles, donc, et qui m'expliquait comment finalement ces ondes, ce sont la même chose que des ondes sonores, mais pas dans le même, pas tout à fait identique. Le monde a des racines carrées, c'est aux éditions de l'Homme. Un mot, parce que Loïc Mangin, vous êtes aussi venu avec un livre sous le coude, Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer et la science. Oui, c'est chez Belin. C'est chez Belin, voilà. Il s'agit de 45 secrets scientifiques de chefs-d'œuvre, pour certains classiques. Voilà, je prends le prétexte de plusieurs œuvres d'art pour raconter des petites histoires de science. Eh ben, Pollock, on aura l'occasion d'en reparler certainement de la science et de l'art ici. Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer et la science de Loïc Mangin, c'est aux éditions Belin. Merci beaucoup à tous les trois. Ce que vous entendez, c'est pas notre générique de fin habituel. C'est un générique de fin qui nous tient à cœur à la méthode scientifique. C'est un morceau de Francis Lai dont on a appris la disparition hier. Ce morceau Scène d'amour que l'on écoute souvent dans le bureau quand on prépare cette émission. On est très fan de ce va-va-va qui rend cette atmosphère un peu moite, un peu... Bref, je veux pas aller trop loin. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci Carole Châtelain à la Une de Science et Avenir du mois de novembre. La Une de notre magazine Science et Avenir, c'est les magnétismes de la Terre. Luc Mangin, la Une de Pour la Science, outre votre numéro collecteur sur le temps. Voilà, le hors-série Pour la Science qui est en kiosque est consacré à la révolution végétale, sylvothérapie, neurobiologie végétale. Et Viviane Lalande, outre votre livre, de la chaîne Syllabus, la dernière vidéo, la prochaine? Alors, la dernière vidéo est sur les ondulations du carton et pourquoi est-ce que c'est si important. Et donc, vous allez voir le carton différemment si vous allez voir cette vidéo. C'est sur la chaîne YouTube Syllabus, dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Syllabus, c'est S-C-I-L-A-B-U-S. Voilà, un mot encore pour vous dire que hashtag LMS500, c'est fini. Le processus de sélection pour sélectionner les 8 questions que nous allons poser à la 500e émission vendredi prochain à nos chroniqueurs, eh bien, va commencer dès ce soir. Nous allons être extrêmement intransigeants. En tout cas, on en a reçu beaucoup. On a reçu plus d'une centaine de questions. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Massimo Bellini à la réalisation aujourd'hui, Jacques Azubert à la technique. Dans un instant, eh bien, c'est le magazine de la rédaction consacré aux attentats du 13 novembre. Vivre avec l'absence par Antoine Madrette, présenté par Aurélie Kiefer. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.